Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. Hier, dans la section entrevue de danradiosport.com, on a parlé avec Michel Lallemand, qui est le directeur général du club de golf de Chouagamau. On a voulu faire le bilan du club de golf cette année, et c'est une année ex-aequo, explique Michel Lallemand. Pendant que l'année dernière, okay. Puis la différence dans le fond entre Saint-Prime ou les clubs du Lac-Saint-Jean et Chibougamau, c'est le calendrier touristique, ouais, entre guillemets. OK. Ça fait longtemps qu'on en parle tous les deux, qu'on est un petit peu là, flou dans notre secteur. Puis à ce moment-là, c'est plus là, de ce qu'on peut dire de l'intra-secteur qui vient comme visiteur. OK. Donc cette année, on a eu sensiblement le même nombre de visiteurs que les dernières années. Ouais. Puis au niveau du membership, on a eu une légère augmentation de nos membres. Okay. Puis pour nous, c'est ça le facteur le plus important. C'est maintenir notre taux de membership pour faire en sorte que notre club soit viable socialement puis en termes d'activité comme tel. Et dans un deuxième temps, ben Michel Lallemand a mentionné que sur quoi on entend travailler cette année. Et semble-t-il qu'il y a une stratégie, on s'est réunis au cours des dernières journées et on va élaborer une stratégie pour les trois prochaines années, explique le directeur général du club de golf de Chibougamau. Rencontre hier, okay, pour, okay, établir notre plan triennal. Okay. Donc, on avait un plan quinquennal qui se terminait cette saison. Donc, on était à élaborer nos objectifs des trois prochaines années à venir. Et déjà, on a commencé à cibler des axes de développement, dont un, entre autres, où on veut mettre l'emphase pour améliorer le visuel de notre terrain. Okay. On parle de différentes avenues possibles. Ça sera présenté dans un comité aviseur, possiblement en début de 2020, pour être entériné à l'Assemblée générale annuelle. Okay. Et là, on pourra faire part de quels vont être nos nouveaux développements pour les trois prochaines années à venir. On a également parlé des castors de Dolbeau hier dans la section de revue de danradiosport.com avec l'instructeur-chef Robin Boulian. Castors connaissent un bon début de saison et Robin Boulian mentionne que l'équipe sera une équipe équilibrée cette année. Je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de force en particulier, ne serait-ce qu'on est quand même balancé. Une excellente attaque et une bonne défensive. Écoute, on a 5 défenseurs sur 6 qui sont revenus l'an passé. Donc, à ce niveau-là, on devrait très bien se fouiller. Puis, on a Guillaume Poirier qui était là l'an passé comme gardien. Puis, on a eu l'ajout de Vincent, là, Vincent Lemieux, qui a quand même fait très bien fait lors des matchs pré-concours et hors concours. Puis, alors de son premier match. La saison de hockey n'est pas terminée. Demain, il y aura la première édition du Challenge du Fret. Ça va avoir lieu au Parc Lyon du secteur de Dolbeau. Il y a déjà 70 joueurs de hockey qui ont confirmé la présence. Ça va avoir lieu de 8h à 18h. Et donc, il y aura de l'animation sur place, également un chapiteau chauffé. Donc, évidemment, les organisateurs invitent toute la population à assister et à venir encourager les équipes. Je l'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé d'abord avec plusieurs intervenants. On a parlé avec Bernard Barry, c'est le combat d'Arthur Beterbiev ce soir. Également, David Lamontagne vient nous parler du hockey mineur de Dolbeau-Mistassini. On a également parlé avec Michel Lallemand. On a fait le bilan du club de golf de Chibougamau. Et vous pouvez également écouter Simon Gaudreau des Aigles de Robertval et Pierre-Luc Martin de la Ligue JMS. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.